L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Qu'est-ce que le capital ? Le capital est ce qui permet la création de biens. Il peut être compris de beaucoup de définitions différentes par ceux qui les utilisent. Au XIXe siècle, Henri Chacaré a indiqué qu'il allait de la terre jusqu'à la richesse. Comprendre la notion de capital signifie comprendre comment les outils ont évolué pour que l'humain économise du temps afin de réfléchir. L'argent, qui est une création de billets électroniques ou papier, permettant d'acquérir rapidement des biens, favorise la création de biens par association locale, mais nécessite le talent et le génie pour être utilisé. Ainsi, pour l'agriculteur, selon Richard Carrel, le capital, c'est l'argent utilisé par le savoir et ses intelligences, dépendant du génie industriel, des services, lui permettant de diffuser le plus facilement par le train et les rivières pour améliorer la terre. Pour l'industriel, le capital en France en 2019 est le talent et le génie, développé par les intelligences manuelles et musicales, grâce aux moyens argent, avec les matières à transformer, pouvant être ou pas agricoles. Ainsi, le capital change pour chaque profession. Pour les services, le capital peut être l'argent et l'humain, voire le négoce, ce qui peut être très dangereux. En effet, le négoce ou trafic consiste à augmenter les différences de prix par l'éloignement des sociétés ou des pays, devant devenir État-nation pour s'autonomiser selon les traités de Westphalie. L'humain devient alors une ressource avec le trafic ou une monnaie privée qui est alors volée. On peut orienter politiquement les services pour que leur valeur soit l'agriculture et l'industrie par une monnaie productive publique favorisant donc la production de l'agriculture et de l'industrie, monnaie possédée par le pays s'il est développé ou pas, rendant alors dépendant des pays développés privant de la monnaie publique. Il faut protéger l'agriculture pour l'industrie si on n'en possède pas contre l'importation d'autres pays par le négoce, en exportant vers d'autres pays avec les industries, pour qu'elles puissent profiter des services réellement. Colbert puis Hamilton ont montré que cela transformait la dette en crédit, parce qu'on en économisait du travail. Les services sont à devenir publics quand ils trafiquent ou volent, pour qu'elles puissent profiter des services réellement. Il existe une loi antitrust à ce propos. La finance, qui est un groupe caché essentiellement, s'approprie la création monétaire. Elle peut se déplacer dans le monde entier. Il existe à ce propos les traités entre les pays. Un accord entre grandes puissances permet d'empêcher la finance de s'imposer. Il y a à ce propos les traités de Westphalie puis les traités de Bretton Woods à améliorer. Une entreprise vole quand les services sont trop nombreux parce que le négoce a individualisé les entreprises du pays. L'agriculture souffre alors encore plus. C'est le cas de l'Empire français en 2019. La France n'était pas un empire financier pendant les 30 Glorieuses. Il y avait très peu de crises financières en Afrique au début des 30 Glorieuses. Le capital de l'humanité peut donc être la terre. En effet, l'argent est produit à partir du papier. Les trafiquants ont toujours voulu se l'approprier. Le capital pourrait donc ne pas être l'argent. Le troc nécessite cependant un patrimoine conséquent. La Chine veut s'approprier le capital Lune pour y prendre l'hélium-3, seule ressource lunaire qui est intéressante de transporter, afin de le fusionner pour en obtenir de l'énergie illimitée, favorisant la créativité par le surplus de biens. Mes notes. Renseigne-toi sur les monnaies productives publiques en t'abonnant à des chaînes internationales de tes langues utilisées. C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à SRM.